pop et potin. Tous ces temps-là, tous ces temps-là, tous ces temps-là, mais mon bamba. Ooh, only you can guess the pain. It's driving me insane when the clouds turn into rain. بهاره دوست دارم.